Chapitre deuxième. Qui ça ? Fit la comtesse en s'arrêtant devant une jeune fille de 15 ou 16 ans penchée sur un métier à broder. La fillette se leva, se prosterna à terre par 3 fois devant sa maîtresse, puis se releva et se tint debout, les mains pendantes, la tête légèrement inclinée en avant, sous l'œil investigateur de la comtesse, qui avait pris son lorgnon et l'examinait curieusement. « C'est la nouvelle arrivée, votre Altesse, » répondit la première femme de chambre, en s'avançant avec cet air d'importance que donne 30 années d'exercice à n'importe quel fonctionnaire. « C'est la fille de Foma, du village d'Iconine. Elle vient à son tour pour payer l'obroc de son père, qui est à Moscou. « Ça ne sait rien faire, ces filles de paysans, » dit la comtesse d'un air ennuyé. « Qu'est-ce qu'on va tirer de celle-là ? Elle ne brode pas mal, votre Altesse. Daignez voir vous-même. On pourra la mettre aux broderies, pas au fond, aux garnitures seulement. C'est pour la table de toilette à madame la comtesse. » La noble dame, qui n'y voyait goutte, étant myope de naissance, examina le métier de si près que le bout de son nez effleura l'étoffe tendue. « Ce n'est pas mal, » dit-elle. « Approche, petite fille. » La petite fille s'approcha, et la comtesse l'examina d'aussi près que la broderie. « Mais elle est jolie. Comment t'appelles-tu ? Mavra. » Le mot sortit comme un souffle des lèvres roses. « Il faut parler plus haut, si tu veux qu'on t'entende, » gronda la première femme de chambre. Mavra leva sur elle ses grands yeux bleus étonnés, les laissa retomber et ne dit rien. « Assieds-toi et travaille, » fit la comtesse, amusée par son nouveau joujou. D'un mouvement rapide et gracieux, la fillette se trouva assise sur la chaise de bois, et l'aiguille fermement tenue entre ses doigts agiles passa et repassa à travers l'étoffe avec ce bruit sec, nerveux, qui invite à précipiter les mouvements de la main. « C'est bien, tu peux continuer, » fit la comtesse agacée par la régularité du geste. Elle tourna le dos à la jeune fille, traîna les plis lourds et somptueux de son peignoir sur le plancher de sapin soigneusement lavé, et disparut derrière la porte que referma respectueusement sur elle la première femme de chambre. C'était une maîtresse de maison entendue, et tous les jours elle traversait cette pièce réservée aux femmes de son service. Mavra resta seule dans l'entrepoir, vaste pièce bien éclairée, meublée uniquement de tables et de chaises, où travaillaient tout le jour les innombrables femmes et filles attachées au service de toute noble dame qui savait tenir son rang en ce bienheureux temps de servage. À 7 heures du jour, l'ouvroir était vide. Les unes lavaient, d'autres repassaient, d'autres nettoyaient et mettaient sens dessus-dessous l'appartement particulier que venait de quitter la comtesse. La petite paysanne leva son aiguille en l'air, reposa sa main rougeaude sur le bord du métier et regarda autour d'elle. Tant de robes brodées, garnies de dentelles, suspendues au mur, attendant quelques menus raccommodages. Tant de jupons garnis de hauts volants historiés, fraîchement repassés, enfilés à une corde qui longeait une des parois de la grande pièce. Tant de bonnets de dentelle, mis à peine 1 heure, attachés par une épingle à une grosse pelote large comme un oreiller, destiné uniquement à cet usage. Et dans une corbeille d'osier, sur le coin d'une table, tant de chemises de batiste délicatement tuyautées, garnies de valenciennes, ornées de rubans de couleur claire. Et tout cela pour une seule personne. Sans compter les bas de soie, là-bas, dans un panier, et les bagues que la comtesse portait par douzaines, sur ses doigts maigres. Quelle importance prenait sous le soleil du bon Dieu dans le monde des vivants une personne à laquelle il fallait tant d'autres personnes pour la servir ? Et que le néant de celle-ci s'augmentait de la grandeur de celle-là. Mavra en resta tout ébobie. La première femme de chambre, en rentrant, la trouva encore stupéfaite, stupéfaite surtout d'avoir tant réfléchi. « Eh bien, tu as de la chance, » lui dit-elle d'un air glorieux. « Tu as plu du premier coup d'œil à notre comtesse et te voilà passée brodeuse. J'espère que tu remercieras le bon Dieu. Ce n'est pas souvent que la comtesse prend quelqu'un agréé comme ça, à première vue. Elle est donc méchante ?» demanda innocemment la fillette. « Méchante, oh non, capricieuse comme toutes les maîtresses, mais c'est la meilleure dame du monde et généreuse. Et puis c'est une maison riche ici, on n'y compte rien, rien du tout. » C'était vrai, on n'y comptait rien. Ni l'argenterie, ni la nourriture, ni les objets précieux, rien enfin, et cependant, on n'y volait rien. À quoi bon voler ? À quoi auraient servi des objets volés que l'on ne pouvait, dans ce lieu éloigné des villes, ni employé de peur de se faire prendre, ni vendre puisqu'il n'y avait pas de marchands. Dans cette demeure seigneuriale où les portes n'étaient jamais fermées, de mémoire d'homme, on n'avait rien vu disparaître. En revanche, la chandelle y brûlait par les deux bouts. Mais n'est-ce pas pour brûler que les chandelles sont faites ? Et en ce cas, n'est-il pas tout simple de les faire se consumer le plus vite possible, puisqu'il n'y en a d'autres prêtes à s'allumer dès que celles-ci seront finies. C'était le principe économique des anciennes maisons de seigneurs en province, où l'on n'achetait guère que le thé, le café, le sucre et les vins, tout le reste étant fourni par la terre clémente qui donnait les moissons et nourrissait le bétail. « Cela vaut mieux que ton village, hein ?» continua Dacha, fière d'appartenir à de si nobles maîtres et désireuse de bien graver dans l'esprit de la simple paysanne l'importance et la dignité des fonctions auxquelles elle se trouvait promue. « C'est plus beau, » répondit Mabra en se penchant avec application sur son ouvrage. « Tu as de la chance tout de même, quand t'es appris à broder. Sans cela, tu serais allé à la basse-cour, abreuver les veaux et nourrir les poules. Comment as-tu appris ?»« Ma mère m'a montré. Elle a été en service autrefois. C'était une Borovaya, du temps de la défunte comtesse. Elle a épousé un paysan, voilà. » « Ah !» fit Dacha. « Aussi, je me disais que tu n'avais pas des manières trop paysannes. Si ta mère connaît le service, c'est autre chose. Je t'invite à prendre une tasse de café avec moi. Prépare la cafetière et dépêche-toi avant que les autres viennent. Je ne peux pas en donner à tout le monde, tu comprends. » C'est ainsi, honoré du lorgnon de la comtesse et favorisé du café de la suivante, que Mavra commença la vie de brodeuse qu'elle devait, selon toute probabilité, continuer indéfiniment pour exonérer son père d'un travail plus pénible et sans rémunération. La comtesse était accommodante à ce point de vue, et comme elle avait la passion des broderies, passion qu'elle partageait avec nombre de dames polonaises ou russes, elle aimait mieux une bonne brodeuse à l'ouvroir qu'un paysan à la charrue. Il n'y avait pas grande différence pour Mavra entre l'isba de son père et l'ouvroir de la demeure seigneuriale. Ici comme là-bas, c'était le travail assidu depuis le lever du soleil jusqu'au soir. Là-bas, sa mère, femme austère et triste comme la plupart des matrones de village, à qui la vie n'a pas été légère. Ici, la femme de chambre, souvent grognon, mais parfois bienveillante et même condescendante. La différence principale consistait en l'apparition journalière de la comtesse, qui le plus souvent ne disait rien, et passait d'un air solennel au milieu du gynécée muet et plein d'une respectueuse terreur. Mais une chose manqua à Mavra, et cette chose, rien ne pouvait la remplacer. C'était l'heure de repos du soir, qu'elle passait jadis près du puits, où elle allait puiser l'eau pour les besoins de la maison, ou bien sur le seuil de la cabane, à regarder tomber les pluies du printemps, douces et chaudes, qui font fondre la neige si vite qu'on la voit diminuer d'épaisseur pour peu qu'on l'examine, ou bien encore au mois de mai, à l'orée du bois, où les rossignols chantent si bien dans les branches grêles, peine jaunissante, des bouleaux parfumés. L'hiver passa tant bien que mal, mais quand les premières bouffées d'air tiède eurent fait ruisseler à flot le long des toits la neige fondue que la gelée des nuits transformait en longues stalactites de glace, Mavra sentit une inquiétude douloureuse lui serrer le cœur. La maison trop chauffée, à l'air enfermé, affadissant, lui donnait la nausée. Que n'aurait-elle pas sacrifié pour pouvoir courir comme autrefois à travers les fondrières, regarder si la mousse apparaissait déjà sous le tapis de neige cristallisé, transparente? Qu'a donc cette petite? Demanda la comtesse un jour en s'arrêtant devant le métier où brodait assidûment la jeune paysanne. Elle était fraîche comme une rose, elle est devenue toute jaune. Souffres-tu quelque part, Mavra? Elle leva ses yeux bleus sur la noble dame, qui daignait lui adresser la parole pour la seconde fois de sa vie, et répondit de sa voix douce « Nulle part, Votre Altesse. » « Mais pourquoi tu jeûnes comme cela? Je ne sais pas, Votre Altesse. » La comtesse ôta son lorgnon et regarda la fillette avec bonté. « Je le sais, moi, » dit-elle, au bout d'un instant. « Cet enfant manque d'air. Elle venait de son village, et on lui a fait passer l'hiver courbé sur un métier. Dorénavant, petite, tu auras deux fois par jour respirer l'air au dehors, et de plus, tu apprendras le service de ma chambre à coucher. Cela te donnera du mouvement. » Elle sortit là-dessus, suivie par le regard reconnaissant de Mavra, qui s'était soudain voilé de larmes. À partir de ce jour, elle adora la comtesse, l'approcher, toucher ce qu'elle avait porté, la servir, recevoir ses ordres et les exécuter avec une rapidité et une adresse sans égale, furent les grandes joies de l'humble fille. Sa maîtresse, environnée du luxe fastueux dont les éléments étaient restés si longtemps sous ses yeux dans l'ouvroir, lui apparaissait comme une créature auguste, plus près du Créateur que tout autre parmi ses semblables. Non seulement Mavra pria Dieu pour elle, mais de temps en temps elle la pria intérieurement comme une sainte, pensant que les recommandations d'un être tellement supérieur devaient avoir autant de poids près des puissances du ciel que près des puissants de la terre. Cette gorgée d'air pur que Mavra aspirait avidement deux fois par jour lui rendit bientôt ses belles couleurs. La joie y fut bien aussi pour quelque chose, mais le printemps qui s'avançait à grands pas pour attraper le temps perdu fut le plus grand ouvrier de cette cure miraculeuse. Les jours s'allongeaient indéfiniment, prêts à se fondre l'un dans l'autre, comme ils le font au solstice d'été. Et pendant les longues soirées, la jeune fille restait debout, adossée à la grande barrière en claire-bois qui sert de porte de clôture à la cour des manoirs seigneuriaux. Elle voyait défiler sous ses yeux les paysannes de son âge, qui vont au puits lentement avec leurs seaux vides et qui en reviennent bien vite, courbées sous le fardeau, la tête baissée sous le joug de bois qui sert à accrocher les seilles, car elles ont passé tout leur temps à bavarder entre elles et la mère ou la belle-mère les attend au logis avec une verte réprimande. Mavra regardait le grand bouleau qui ombrageait la porte, balancée faiblement dans l'air du soir, ses longues branches semblables à celles d'un saule pleureur, et de temps en temps, à travers les rameaux, elle apercevait une étoile toute pâle dans le ciel pâle qui scintillait pour elle et semblait vouloir lui parler. Les bruits venant de la rivière, les derniers chevaux qu'on ramenait de boire et qui passaient devant elle au grand trot en secouant leur crinière humide du bain, les chansons lointaines, faibles comme un écho, des paysans qui revenaient dans leur télègue d'un labeur éloigné, toutes ces choses rustiques et familières réveillaient en elle la douceur du passé et la faisaient vivre dans une sorte de joyeuse attente du lendemain qui le rendait tout facile et si doux. Les jeunes palefreniers avaient bien vite remarqué la jolie fille qui venait tous les soirs, par ordre de la comtesse, respirer l'air près de la porte. Ils s'étaient encouragés d'abord à lui dire bonsoir, puis de temps en temps à lui parler. Les jeunes gens de cette classe n'étaient ni hardis ni entreprenants tant que le poison de l'eau-de-vie de grain n'avait point coulé dans leurs veines et la comtesse était implacable sur le chapitre de l'ivrognerie. Mavra répondait de sa voix douce, riait même en montrant ses dents blanches. Mais il ne fallait point essayer d'aller plus loin avec elle. Elle vous glissait entre les doigts et rentrait au logis tout effarouchée. Après quelques tentatives, on se fit à ses manières réservées et à vrai dire, tout le service ne l'en aima que mieux. Seul le cocher Siméon, qui n'était pas accoutumé à rencontrer de belles si farouches, car sa barbe suspecte et ses habits de velours noir lui avaient toujours valu au moins un baiser pris et rendu de bonne grâce, Siméon essaya un soir de se glisser auprès de la jeune fille pendant qu'elle rêvait aux étoiles. Il s'approcha sans être entendu et parvint à amener sa barbe magnifique tout près de la joue de la rêveuse. Avertie par un frôlement, elle tressaillit soudain, tourna la tête et, dans ce mouvement, reçut le baiser qu'elle voulait éviter. « Oh ! » fit-elle avec une inexprimable horreur, en essuyant sa joue sur sa manche jusqu'à meurtrir sa peau satinée. Les gens de service, ses camarades, riaient autour d'elle, car Siméon s'était vanté d'un meilleur accueil. « N'y revenez pas, Siméon, car je le dirai à la comtesse, vrai !» Ses yeux s'étaient remplis de larmes sous l'affront et elle le regardait d'un air menaçant. Elle parlait d'un accent si convaincu, si profondément blessé, que la première femme de chambre arrêta les rires en prenant un air sérieux. « C'est une brave fille, » dit-elle d'un air d'autorité. « Elle a raison de vouloir se garder pour son futur mari. C'est bien ça, petite. Et toi, Siméon, tu n'es qu'un lourdeau de l'avoir effrayée. » Le cocher essaya de plaisanter, mais Dacha avait bon bec. Rien n'était plus difficile que d'avoir le dernier mot lorsqu'on discutait avec elle. Siméon y renonça bientôt. Mavra avait disparu silencieusement, et les braves gens se querellaient encore qu'elle pleurait depuis longtemps, la tête enfouie dans son oreiller. Elle pleurait de honte d'avoir été traitée si cavalièrement devant tout le monde, et d'autres choses encore, de pudeur froissée, d'invincible dégoût. Personne n'eût été témoin de cette scène qu'elle n'en eût pas moins pleuré à chaudes larmes. Elle n'eût su dire pourquoi. Si on l'avait interrogée, sa seule réponse eût été « Je n'aime pas cela ». Elle s'endormit dans les larmes avant que les autres femmes de service, moins timorées, fussent rentrées de la petite promenade quotidienne qu'elles faisaient avec leurs amoureux. À partir de ce jour, on respecta la réserve de la petite sauvage. L'histoire fut reportée à la comtesse par l'organe discret de la première femme de chambre et la noble dame regarda plus curieusement la fillette lorsqu'elle s'approcha d'elle pour la servir. Mais pas un mot ne fut prononcé d'éloge ou de blâme et Mavra put croire que personne ne se souvenait plus de cette aventure. Elle aimait tout ce qui de près ou de loin touchait à sa noble maîtresse. La jeune baronne, mariée et mère de deux beaux enfants, venait de temps en temps passer 6 semaines chez sa mère, et Mavra la contemplait, si jolie, si frêle, comme une apparition miraculeuse, dans son firmament de petite paysanne ignorante. Était-ce une femme comme elle, à peine plus âgée qu'elle? Non, évidemment. Et jamais Patricien de Venise ne fut mieux persuadé que ses veines recelaient un sang différent de celui des hommes ordinaires, que la petite brodeuse de l'infériorité de son espèce. Elle n'avait encore jamais vu Xavier. Lorsqu'il était venu voir sa tante après la mort du comte Stanitsky, Mavra était en visite chez ses parents. Mais la curiosité de la fillette n'était pas peu excitée par les récits interminables que lui faisait Dasha. Celle-ci, avant d'entrer au service de sa maîtresse actuelle, avait été femme de chambre de la pauvre madame Stanitska, si prématurément enlevée. Par un sentiment de pieuse reconnaissance, la comtesse avait recueilli la fidèle servante qui avait fermé les yeux de sa sœur. Dasha s'était acclimatée dans cette nouvelle demeure. Elle aimait servir avec zèle la jeune baronne, héritière future de tant de biens. Mais au fond de son âme, elle préférait à tout le comte Xavier, qu'elle appelait encore notre jeune maître. « C'est qu'il est beau, » disait-elle tout le long du jour, pour charmer les longues heures de broderie dans le louvoir silencieux. « C'est moi qui l'ai reçu dans mes bras quand il est venu au monde. » Et elle reprenait avec une inépuisable complaisance l'histoire de la naissance de Xavier depuis les 2 jours qui l'avaient précédé, et continuait la légende de son jeune âge jusqu'au moment où orphelin, mais choyé par la bonne comtesse, le cher trésor était parti pour l'école militaire, avec des malles bourrées de gâteaux, de confitures sèches et de tout ce qui peut se manger sous le ciel. La fille de service écoutait d'une oreille distraite ces récits 100 fois répétés, mais Mavra ne se lassait point de les entendre. C'était pour elle une sorte d'évangile qu'elle recueillit en son âme pieuse. Cet enfant adoré, ce neveu aimé comme un fils, comme l'eût été le fils que la Providence avait opiniâtrement refusé à la comtesse, devenait un être surhumain, une sorte de messie. Ce soir-là, vers 7 heures, comme Mavra, sa journée faite, traversait la cour pour aller prendre sa gorgée d'air pur, elle vit venir un cavalier de bonne mine, dont les cheveux blonds brillaient comme de l'or fondu sous les rayons obliques du soleil. « C'est le jeune comte, » pensa la petite servante, et sans prendre le temps de la réflexion, elle courut à la lourde porte qu'elle ouvrit toute grande. Le brillant cavalier arrivait au même instant d'un pas ralenti et passa devant elle. Ébloui, le cœur saisi par elle ne savait quelle impression de crainte et de joie, Mavra reçut en plein visage le regard de 2 grands yeux noirs, étonnés et réjouis. « Comme il ressemble à sa tante !» pensa Mavra en refermant la grande barrière qui retomba avec un bruit sourd. Elle se rapprocha du perron à pas lents, pendant que Xavier, descendu de son cheval, se retournait pour la regarder encore une fois. Il sourit en revoyant les yeux bleus pleins d'admiration naïve, fit un signe de tête amical et entra dans la maison. « Toi ?» s'écria la comtesse en le voyant sur le seuil du salon. « Moi-même, ma tante » répondit-il en s'approchant pour lui baiser la main. « Voulez-vous de moi pour 2 ou 3 jours ? Tout ce que tu voudras, mon cher enfant. Quel bon vent t'amène !»« Ah ! Voilà ce qu'il faudrait savoir !» dit Xavier en hochant la tête. « Je suis mal de quelque chose et je ne sais de quoi. Ce matin, je me suis senti triste et j'ai pensé que peut-être vous me diriez ce que j'ai. » La comtesse laissa tomber sous l'orgnon pour mieux voir ce patient en quête de consultation. « C'était un bel enfant, à peine plus que cela. « Tu n'es pas amoureux, au moins, » lui dit-elle, traitant ainsi l'affirmative par la négative. « Hélas, non, ma tante, » répondit-il. « C'est peut-être ce qui me manque. »« Oh bien, n'en sois pas en peine, » fit la bonne dame en riant. « Tout vient à point qui sait attendre. » Xavier sourit, rougit un peu, tourmenta un couteau à papier pendant 1/2 minute, puis dit en baissant les yeux d'un petit air cafard qui lui saillait à merveille, « Ce n'est pas dans mon perchoir à corbeau que je trouvais la princesse de mes rêves. Tu as donc un idéal ? Oui et non. Je la veux grande, belle, fière, voire même un peu dédaigneuse. Princesse, tout au moins. Tu vas bien. Mais un Stanitsky peut prétendre à toutes les princesses. Un pauvre diable ne peut prétendre à rien du tout, » répliqua Xavier. Si seulement on faisait la guerre, je pourrais obtenir des grades. Je crois que je deviendrais feld-maréchal. Mais à l'ancienneté, je ne serai jamais rien. N'en parlons plus, ma tante. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle acquisition que vous avez faite? Un petit Raphaël blond qui m'a ouvert la porte quand je suis arrivé? La comtesse chercha un instant dans sa mémoire. un Raphaël, blond. « Ah, j'y suis, c'est Mavra, une vertu, mon cher enfant, une drôle de petite fille qui m'adore. Elle a grandement raison. Et qui gifle mes cochers quand ils veulent l'embrasser. Eh, mais elle n'a peut-être pas tort. Qu'est-ce que vous en faites ? Elle brode l'après-midi. Le matin, elle s'occupe de mon service. Mais tu sais, Xavier, ma maison est bien tenue. Ne va pas t'amuser à compter fleurettes à mes filles. Oh, ma tante, pour qui me prenez-vous ? Répondit négligemment le jeune homme. D'ailleurs, vous pouvez juger par vous-même que cette fillette ne répond pas à mon idéal. Ils éclatèrent de rire ensemble. Sous ce langage léger, ceux-là seuls qui les connaissaient bien eussent pu deviner l'honnêteté sérieuse de la grande dame et le respect du jeune homme pour cette maison hospitalière. Mais les slaves du grand monde sont ainsi faits que lorsqu'ils n'ont pas de vice, ils prennent une peine incroyable pour s'en donner l'apparence.